En atteignant au seuil de sa pension, Rastignac s'était épris de Madame de Nucingen. Elle lui avait paru svelte, fine comme une hirondelle. L'enivrante douceur de ses yeux, le tissu délicat et soyeux de sa peau, sous laquelle il avait cru voir couler le sang, le son enchanteur de sa voix, ses blonds cheveux, il se rappelait tout. Et peut-être la marche, en mettant son sang en mouvement, aidait-elle à cette fascination. L'étudiant frappa rudement à la porte du père Goriot. Eugène, qui se trouvait pour la première fois chez le père Goriot, ne fut pas maître d'un mouvement de stupéfaction en voyant le bouge où vivait le père, après avoir admiré la toilette de la fille. Monsieur Goriot, comment, en ayant des filles aussi richement établies que sont les vôtres, pouvez-vous demeurer dans un taudis pareil? Ma foi, dit-il d'un air en apparence insouciant, à quoi cela me servirait-il d'être mieux? Je ne puis guère vous expliquer ces choses-là. Je ne sais pas dire de suite deux paroles comme il faut. Tout est là, ajouta-t-il, en se frappant le cœur. Ma vie à moi est dans mes deux filles. Si elles s'amusent, si elles sont heureuses, bravement mises, si elles marchent sur des tapis, qu'importe de quel droit je sois vêtu, et comment est l'endroit où je me couche. Leur voix me répond partout. Un regard d'elle, quand il est triste, me fige le sang. Un jour vous saurez que l'on est bien plus heureux de leur bonheur que du sien propre. Mon Dieu, un homme qui rendrait ma petite Delphine aussi heureuse qu'une femme l'est, quand elle est bien aimée. Mais je lui cirerai ses bottes, je lui ferai ses commissions. J'ai su, par sa femme de chambre, que ce petit monsieur de Marsay est un mauvais chien. Il m'a pris des envies de lui tordre le cou. Ne pas aimer un bijou de femme, une voix de rossignol, est faite comme un modèle. Où a-t-elle eu les yeux d'épouser cette grosse souche d'Alsacien? Il leur fallait à toutes deux de jolies jeunes gens bien aimables. Enfin, elles ont fait leur fantaisie. Eh bien, vous ne serez peut-être pas fâché d'apprendre, lui dit Eugène, qu'elle va rompre sans doute avec ce de Marsay. Quant à moi, ce soir, je suis tombé amoureux de Madame Delphine. Bah, dit le père Goriot. Oui, je ne lui ai pas déplu. Nous avons parlé amour pendant une heure, et je dois aller la voir après-midi, samedi. Oh, que je vous aimerais, mon cher monsieur, si vous lui plaisiez. Vous êtes bon, vous ne la tourmenteriez point. Si vous la trahissiez, je vous couperais le cou, d'abord. Mon Dieu, vous l'avez donc entendu? Que vous a-t-elle dit pour moi? Rien, se dit en lui-même Eugène. Elle m'a dit, répondit-il à haute voix, qu'elle vous envoyait un bon baiser de fille. Adieu, mon voisin, dormez bien, faites de beaux rêves. Les miens sont tout faits avec ce mot-là.